un séjour à l'étranger. Comprendre un message type sur un répondeur téléphonique. Exercice 1. Le monde pour tous, bonjour. Nos agences vous accueillent du mardi au vendredi de 10h à 18h30 et le samedi de 11h à 18h. Pour connaître l'agence la plus proche de chez vous, tapez 0. Si vous souhaitez commander l'une de nos brochures, tapez 1. Pour connaître nos promotions de dernière minute, tapez 2. Vous voulez réserver un vol, un hôtel, tapez 3. Pour réserver vos vacances en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, rendez-vous sur notre site www.lemondepourtous.fr. Si vous désirez parler avec un de nos conseillers voyage, veuillez patienter.